Merci pour votre invitation. D'abord, je ne sais pas encore si je vais faire 20 minutes psychologique ou 20 minutes physique. Bon, effectivement, ça me semble intéressant de discuter de la place du temps physique, dans la question générale des temporalités. Alors, je vais faire des remarques générales pour commencer, puis j'essaierai de préciser mon propos et de répondre à vos questions par la suite. Mais je reviens tout de suite sur ce que vous avez dit à la fin à propos du temps que vous appelez le temps de la psychanalyse. Et on entend souvent des psychanalystes nous expliquer que, effectivement, la psychanalyse peut changer le passé, peut changer les événements qui appartiennent au passé d'un individu. Bon, évidemment, il s'agit d'un abus de langage. Mais cet abus de langage étant répété, il laisse croire, ou à croire, que la psychanalyse aurait des pouvoirs incroyables de changer le passé. Oh, j'aurais sans doute le temps de l'expliquer tout à l'heure, mais la physique, elle se construit justement par le biais du principe de causalité, en postulant que si un événement a eu lieu, il a eu lieu. C'est tout. Le principe de causalité garantit l'impossibilité de modifier le passé. Si un événement a eu lieu, il sera éternellement vrai qu'il a eu lieu. Et c'est ce que garantit la causalité. Et en disant ça, je mesure le fait qu'en employant le mot éternellement, je charge peut-être un peu la barque, mais c'est juste pour être clair. Et je me souviens avoir reçu un courrier très violent d'un psychanalyste lacanien qui avait lu ceci dans mes livres et qui me le reprochait vivement en expliquant que si la psychanalyse peut changer le passé. Et l'exemple qu'il me donnait, c'était celui de quelqu'un qui prononce l'adjectif concupiscent. Et celui qui l'entend ne comprend le sens du mot qu'il vient de prononcer qu'après qu'il ait dit l'intégralité des syllabes. Et donc, il y a une sorte de rétroaction du cerveau de celui qui écoute, qui ne comprend le sens de ce qui a été dit qu'après que tout ait été dit. Et donc, ça rejaillit sur le sens qu'il donne à la première syllabe, par exemple. Et j'ai dû lui répondre pour l'expliquer, certes, le sens du mot n'est éclairé qu'à la fin et rétroagit sur le sens des premières syllabes, mais cette opération de l'esprit ne modifie nullement la séquence temporelle par laquelle les syllabes successives ont été prononcées. Et donc, la psychanalyse est capable de modifier dans le présent et pour la suite la signification ou la portée d'un événement qu'on a vécu dans le passé, mais certainement pas de modifier la réalité de cet événement. Et donc, vous voyez comment, par des jeux de langage, qui, vous l'avez compris, je pense, à table, sont mon ennemi numéro un, comment, par des jeux de langage, on peut s'attribuer des pouvoirs qui sont purement fictifs. Alors que ça coûte quand même pas très cher de faire un travail de clarification qui dit réellement ce qu'on fait plutôt que de faire croire des choses qui ne sont pas. Et donc, ça m'amène à la question que je voudrais débattre maintenant, qui est comment dire ce que nous savons. Et là, je parle des physiciens. Le langage naturel des physiciens, ce n'est pas le langage ordinaire. Ce sont les équations mathématiques qui permettent de traduire sous forme algébrique des équations qui disent les lois physiques. Donc, notre langage, ce n'est pas le langage naturel. Et donc, la question, c'est comment dire avec des mots ce qu'on apprend sans les mots, ou avec un autre langage que la langue ordinaire. Pour le dire autrement, comment savoir ce que diraient les équations si elles pouvaient parler? Elles ne parlent pas, donc on doit parler à leur place. Et la question qui suit, c'est que diraient les équations du temps, les équations de la physique, si elles pouvaient parler du temps? Je pense que cette question est un enjeu éthique. Souvent, on pense que la physique pose des questions éthiques quand on regarde ses applications, les nanotechnologies, le nucléaire, etc. Et c'est là que les questions éthiques se posent. Je pense que non. Je pense que les questions éthiques apparaissent dès le début quand nous disons avec des mots ce que nous apprenons sans les mots. Je vous donne un exemple que vous avez cité. Vous avez parlé du principe d'Heisenberg. Le principe d'indétermination d'Heisenberg est un principe de la mécanique quantique, qui en fait n'est plus un principe, il était un principe quand il a été découvert par Heisenberg, mais c'est devenu un théorème, c'est-à-dire on peut le dériver de principes plus profonds. Comment est-ce qu'on définit dans la langue commune que vous avez rappelé, comment on le trouve défini dans les deux terminales de philosophie? toujours de la même façon. Le principe d'indétermination d'Heisenberg nous dit qu'en mécanique quantique, on ne peut pas connaître la position et la vitesse d'une particule avec une précision arbitraire. Vous l'avez lu, ça? Qu'est-ce que vous comprenez quand vous le lisez? Ben, qu'une particule quantique a une vitesse et une position bien déterminées, mais la méchante mécanique quantique vous empêche de les connaître. Et vous avez des philosophes qui ont pillé des livres et des livres pour expliquer en quoi la physique microscopique limite notre pouvoir de connaître. Parce qu'il y a des éléments de réalité, en l'occurrence la vitesse et la position d'une particule, qui ne nous sont plus accessibles, alors qu'ils l'étaient en physique classique. Et ça, c'est un contresens absolu, qui laisse à croire que la révolution quantique est une révolution qui n'a pas porté sur la nature des objets physiques, c'est toujours des particules avec une vitesse et une position bien déterminées, mais qui a porté simplement sur notre pouvoir de connaissance sur ces objets. Ça, c'est de la pure paresse intellectuelle. La vraie mécanique quantique est une révolution ontologique. C'est-à-dire, elle vous dit que les objets de la physique ne sont pas des corpuscules classiques. Et donc, ils n'ont pas une vitesse et une position. Et donc, le problème n'est pas qu'on ne peut pas limiter ces propriétés qu'ils auraient, puisqu'ils ne les ont pas. On a changé les modalités de la description des objets. Ce ne sont plus des corpuscules. Et en France, et je vous garantis, c'est seulement en France, on a transformé cette révolution ontologique en une révolution dans notre accessibilité au réel. Contresens total. Je vais vous donner un autre exemple pour vous montrer comment, par exemple, la théorie de la relativité a été culturellement assimilée comme un relativisme. D'ailleurs, vous trouvez des gens pour dire que la théorie de la relativité dit que tout est relatif. Contresens absolu. La théorie de la relativité vous dit que quand vous changez de référentiel, il y a des choses qui ne changent pas, qui sont donc absolues. Parmi ces choses ne figurent plus l'espace et le temps. Très bien. Est-ce que ça autorise à dire que tout est relatif? Non. Et ça va même plus loin. Il se trouve que j'ai un fils en terminale, c'est pour ça que je parle des bouquins de philo. Dans les livres de terminale de mon fils, on dit que la théorie de la relativité d'Einstein démontre que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Vous avez tous lu ça. Les Bogdanov l'ont répété, Claude Alleg le répète partout. J'ai vu qu'il avait inauguré cette faculté. Si, c'est bien une plaque. C'est dramatique pour cette faculté. Mais j'espère qu'elle réussira à échapper aux conditions de son émergence. Bon, quand vous lisez cette phrase, la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Vous êtes en terminale. Qu'est-ce que vous comprenez? Que si vous montez dans une fusée, par exemple, en emportant votre montre, et en emportant un livre que dans cette pièce que vous avez lu, qui vous a pris 2 ans à votre montre pour être lu, vous avez un livre, vous lisez, ça prend 2 heures, vous partez dans une fusée avec un livre de même taille et votre montre. Si vous croyez la phrase par laquelle on résume la relativité, vous en déduisez que puisque vous avez maintenant un mouvement dans l'espace, le temps qu'il vous faudra pour lire un livre de même taille sera différent. Ben faites l'expérience. Vous verrez, il vous fera 2 heures. Autrement dit, ce que dit la théorie de relativité, c'est ce que disait déjà Galilée en 1630, à savoir le mouvement est comme rien. Ce que garantit la relativité, c'est le fait que quand vous êtes en mouvement, rectiligne uniforme, tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement. Et c'est d'ailleurs ce qui permet les mouvements. Imaginez que dans un TGV, quand vous montez dedans, les lois physiques deviennent différentes. Vous ne pouvez plus boire un café à la cafétéria du TGV, c'est fini. C'est justement parce que les lois du mouvement sont les mêmes dans le TGV qu'à la gare que vous pouvez monter dans le TGV. D'accord ? Donc cette phrase par laquelle on résume la relativité est un contresens, ajoutée au fait qu'elle n'a pas de sens, puisqu'elle part d'une vitesse d'écoulement du temps qui se définit comme étant la dérivée du temps par rapport à lui-même. Donc dire que le temps a une vitesse, ça veut dire que le rythme d'écoulement du temps varie par rapport au rythme d'écoulement du temps, ce qui est absurde. Le temps n'a pas de vitesse. Et encore moins d'accélération. La seule chose qui soit nouvelle en relativité, c'est non pas de dire il y a un temps universel dont la vitesse d'écoulement dépend de la vitesse de l'observateur, qui est la façon dont on l'a vulgarisé. Elle dit simplement qu'il y a autant de temps propres qu'il y a d'observateurs différents. Et moi, j'ai mon temps propre, c'est celui qui indique ma montre. Vous avez votre temps propre, c'est celui qui indique votre montre. Si je pars dans une fusée à 150 000 km par seconde, quand je reviendrai, vous serez mort. Voilà. Voilà ce que dit la relativité. Vous serez mort, non pas parce que j'aurais vécu plus longtemps que vous. J'aurais vécu à ma montre, je sais pas, 10 jours. Et vous, à votre montre, vous aurez vécu 120 ans. Donc, il y a autant de temps propre qu'il y a d'observateurs différents. Ce temps propre que vous avez n'est nullement affecté par votre mouvement dans l'espace. Par contre, il se désynchronise par rapport au temps propre d'observateurs qui ne suivent pas votre mouvement. D'accord ? Donc c'est pas du tout le même message. Ce qui est universel en relativité, c'est pas qu'il y a un temps universel dont la vitesse dépendrait de l'observateur, c'est le fait que chaque observateur a son temps propre. Nous croyons tous que nous avons un temps universel, tout simplement parce que nos vitesses de déplacement sont lentes. Même si vous prenez une navette spatiale, quand vous retombez, quand vous atterrissez sur Terre, votre montre, elle est synchronisée avec la montre des gens qui sont restés à la base. Ça, c'est bien du fait que nos vitesses de déplacement sont négligeables devant la vitesse de la lumière. C'est tout. Donc on ne s'en aperçoit pas. Mais si on allait beaucoup plus vite, on verrait bien que nos temps propres se désynchronisent du fait de nos mouvements, ce qui nous empêcherait de prendre des rendez-vous. Les particules élémentaires qui vont très vite ne peuvent pas prendre de rendez-vous. Si deux électrons se disent on se retrouve demain à 14h, elles sont sûres de se louper parce que le temps indiqué par leur montre respective se désynchronise de l'autre par le fait qu'ils vont très vite dans l'espace. Ça ne veut pas dire que celui qui est en retard au rendez-vous par rapport à l'autre a eu un temps qui s'est ralenti ou accéléré par rapport au premier. Ça n'a aucun sens. Et donc vous voyez que si vous parlez mal de ce que vous savez, vous pourrez faire croire que la relativité est une théorie relativiste, alors qu'elle met en évidence des absolus, tout le contraire, et donc diffuser dans la culture des contresens radicaux par rapport à ce que nous savons. Et donc la question de savoir comment parler de ce que nous savons est une question éthique. Je l'ai dit à table, je le répète, la grande bizarrerie qui devrait nous interroger et nous faire paniquer et nous rendre tellement critiques par rapport au langage que nous ne devrions plus oser l'utiliser, c'est qu'aujourd'hui, en 2012, vous pouvez lire le livre 11 des Confessions de Saint-Augustin en comprenant tout ce que Saint-Augustin dit du temps. Alors qu'entre Saint-Augustin et nous, il y a eu Galilée, Einstein, Newton, Boltzmann et pas mal d'autres. Alors, autrement dit, ce que nous avons appris du temps n'a nullement modifié notre façon de dire le temps. Puisqu'on comprend Saint-Augustin, on comprend non pas parce qu'il parle comme nous, mais parce que nous parlons comme lui. Il y a une fixité de la langue qui a engendré une métaphysique du langage quotidien. Vous avez été cité Wittgenstein, mais Wittgenstein il parle des sortilèges de la langue. C'est-à-dire que notre façon de dire le temps détermine notre façon de le penser. Et si on le pense mal, plutôt si on le dit mal, on a toutes les chances de mal le penser. D'accord ? Il y a une très belle phrase de Wittgenstein que je veux citer ici. Wittgenstein dit ce qui se dit dans le langage ne se dit pas par le langage. Okay ? C'est-à-dire, le temps se dit dans le langage. Le mot temps est un des mots les plus utilisés dans les expressions familières. Ça ne veut pas dire que, sous prétexte qu'il est dit dans le langage, il soit dit par le langage. Et je pense que le langage passe son temps à nous tromper sur le temps. D'ailleurs, vous l'avez dit, le temps est victime d'une polysémie fulgurante. Fulgurante, c'est-à-dire que vous allez au café du coin, même si j'ai cru remarquer qu'à Huyoncourt, il n'y a pas énormément de café. Vous allez au café du coin, vous notez toutes les expressions que vous entendez autour de vous qui contiennent le mot temps. Et vous verrez que l'intersection entre toutes ces expressions qui vous diraient le noyau dur du temps est vide. Le mot temps est utilisé pour dire indifféremment la vitesse, le changement, le devenir, la simultanéité, la succession, l'argent, la mort. Non, ça ne veut plus rien dire. Et donc il est urgent de pratiquer une déflation verbale du mot temps et voir que dans toutes les expressions que nous utilisons pour dire le temps, qui disent le temps, qui l'emploient, nous pourrions employer un autre mot que le mot temps pour mieux dire ce que nous voulons dire. C'est un mot qui a été mis à toutes les sauces, qui ne veut plus rien dire. Par exemple, quand vous dites « je n'ai pas le temps », qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase? Elle veut dire que la liberté ou la disponibilité qu'il vous faudrait avoir pour faire ce qu'on vous demande de faire, cette liberté, vous ne l'avez pas. Et plutôt que de dire « je ne suis pas libre », vous dites « je n'ai pas le temps ». Comme si le temps était à possession intermittente. De temps en temps, il est à vous, de temps en temps, il n'est plus à vous. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas le temps? Parce que le temps, en passant, contraint votre emploi du temps. Autrement dit, si vous n'avez pas le temps, c'est précisément parce qu'il y a du temps. Vous voyez que le langage est complètement bourré d'aporie. Et je pourrais même me tester tout à l'heure, me proposer des expressions, le temps me pèse, etc. Vous verrez que quand on analyse l'expression, elle perd tout sens et ne garde un sens que parce qu'on ne l'analyse jamais. Autrement dit, c'est l'habitude que nous avons des jeux de langage qui nous fait croire que quelque chose est dit là. Vous allez me dire, ça nous permet de communiquer, très bien, on comprend de quoi, ce qu'on veut dire quand on emploie ces mots, très bien. N'empêche que ça empêche de traduire dans le langage ce qu'on apprend hors du langage. Bon. J'ai donné l'exemple de la relativité, j'aurais pu en donner d'autres. Autre chose d'ailleurs, tiens, le temps passe. Nous sommes persuadés que le temps passe, parce qu'on le dit depuis Héraclite. La question c'est, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que le temps passe? Il n'y a pas de définition du temps, comme vous savez, puisque à chaque fois qu'on essaie de le définir, on le rapporte à lui-même. Donc au lieu de dériver d'un concept plus fondamental que lui, on le dit autrement à partir de lui-même, par des métaphores, par des tautologies, par des images. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que le temps passe? Je veux dire que les trois moments du temps qui sont le futur, le présent, le passé, se succèdent les uns aux autres. Très bien. Déjà, le passé étant passé ne passe plus. Je laisse de côté cette petite bizarrerie et j'admets que effectivement le temps met en scène une espèce de transit permanent par lequel le présent, qui était autrefois du futur, devient du passé dès qu'il apparaît comme présent. Est-ce que ce transit, qui est réel, si vous croyez l'essence du temps, vous autorise à dire que le temps passe? Ben non. Parce que si vous dites que la fonction essentielle du temps, c'est de renouveler l'instant présent de telle sorte qu'il y a toujours un instant présent qui est présent, ce travail de renouvellement du temps ne cesse jamais. Il y a toujours du temps qui est là à passer, en apparence, alors qu'en fait il fait passer la réalité. Comme la réalité ne cesse pas de passer, le temps qui la fait passer ne passe pas. Autrement dit, quand vous dites que le temps passe, vous commettez la même erreur que celle que vous commettriez si vous disiez qu'un chemin chemine, par exemple. Vous confondez l'objet et sa fonction. Le temps ne passe pas, il fait passer la réalité. Et il ne change pas, en passant, sa façon d'être le temps. Alors vous allez me dire, là, pour le coup, je fais des jeux de langage. Très bien. N'empêche que Newton est le type qui, le premier, construit un temps qui n'a aucune propriété que le langage attribue au temps. Le langage dit que le temps c'est le devenir, le temps c'est le changement, etc. Kate Newton dit non, le temps est la seule chose dans l'univers qui ne dépend pas du temps. C'est-à-dire le temps en passant ne change pas sa façon d'être le temps. Et si vous avez fait un peu de physique, vous avez sans doute été étonné de constater que dans les équations de la physique, T, la variable T, ne dépend jamais de T. Et c'est la seule variable qui soit dans ce cas. C'est-à-dire que quand vous écrivez une équation de physique, vous écrivez une équation dont la valeur de vérité ne dépend pas de l'instant auquel vous l'appliquez. Les équations d'aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 10 000 ans, qu'il y a 1 milliard d'années, etc. Autrement dit, le fait que le temps soit homogène et ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps, est la façon de traduire le fait que les lois physiques n'évoluent pas quand l'univers évolue. D'accord? Et donc, on a là un temps qui est le temps physique, qui va être remanié ensuite par Einstein, j'y reviendrai, mais qui déjà s'émancipe des phénomènes temporels. C'est-à-dire, alors même que nous attribuons au temps les qualificatifs qui se rapportent au phénomène temporel dans lequel le temps est sollicité, temps physique, temps psychologique, temps truc, temps géologique, temps machin, là on a un temps qui est le même dans toutes les équations. C'est-à-dire un temps dont la nature est indépendante des phénomènes temporels qui permettent de décrire. Donc c'est la séparation de que vous avez évoquée entre phénomène temporel et temps. Et si vous croyez à l'efficacité de la physique, la physique est capable de prédire des tas de trucs, qui a permis de prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques, les quarks, l'antimatière, etc., grâce à des jeux d'équations. C'est-à-dire prédire l'antimatière par un travail sur la causalité en physique, vous faites des équations, elles prédisent l'existence de l'antimatière, vous faites des mesures dans le rayonnement cosmique, vous voyez l'antimatière. Donc le fait que notre façon de décrire le temps a permis à la physique de devenir un treuil ontologique en permettant de prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques, c'est pas neutre. C'est-à-dire que l'antimatière est là, ça veut dire que quelque chose dans notre façon de la prédire correspondait à la nature des choses. Et donc, mon travail, ça a été de regarder les équations et de me poser la question, que diraient les équations si elles pouvaient parler? Eh bien, je pense que ce qu'elles diraient, et ce n'est pas mon point de vue. J'ai fait des exposés devant des physiciens de partout, y compris chez M. Prigogine à Bruxelles, et les gens qui, du temps de Prigogine, ne pouvaient pas trop parler, maintenant parlent, et reconnaissent que la confusion que Prigogine fait entre temps et devenir est complètement infondée. Il y a une séparation entre le temps et les phénomènes temporels. Et donc, toutes les disciplines scientifiques ont accès à des temporalités propres qui sont liées aux objets qu'elles se donnent à étudier. Donc, vous êtes sociologue, vous étudiez la société, il y a des temporalités sociales incontestables qui ne peuvent pas être comprises par d'autres personnes que les sociologues. Pareil pour la géologie, il y a des temps géologiques, enfin, il y a des temporalités géologiques. De même, il y a des temporalités chimiques. Physique aussi. Non, il n'y a pas de temporalité physique. La thermodynamique, l'entropie. Mais attendez, le temps de la thermodynamique, c'est le temps de Newton. D'accord? Le fait que la distinction que vous faites entre, vous avez rappelé, entre cours du temps et flèche du temps, c'est bien du fait qu'au 19e siècle, il y a eu l'émergence d'une nouvelle physique qui s'appelle la thermodynamique. Oui. Bon, moi, j'ai jamais écrit dans mon bouquin, contrairement à ce que vous avez dit, que le temps était réversible. J'ai jamais écrit ça de ma vie. Parce que dire que le temps est réversible, ça sous-entendait qu'on peut inverser le cours du temps. Ce que j'ai écrit, mais ce n'est pas moi qui l'ai découvert, c'est un vieux problème, c'est que quand vous changez t en moins t dans une équation de physique, ça ne change pas l'équation. Ça ne veut pas dire que vous pouvez renverser le sens d'écoulement du temps. Ça veut dire que le sens d'écoulement du temps a un sens qui est arbitraire. Nous disons que nous allons passer vers le futur. On pourrait décider qu'on va du futur vers le passé, so what? Ça ne changerait pas les équations. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? Donc dire que les équations sont réversibles, parce qu'elles sont invariantes quand vous changez t en moins t, ne signifie pas que le temps lui-même est réversible. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez mieux. Vous savez qu'il y a des particules de charge électrique non nulles. Il y en a qui sont négatives, d'autres qui sont positives. Si vous décidez que les électrons qui ont une charge négative ont une charge positive, vous changez la convention, et vous décidez en même temps que les protons qui ont une charge positive ont une charge négative, qu'est-ce que ça change aux équations? Réponse, rien. Imaginez même que dans l'univers, toutes les charges négatives deviennent positives et réciproquement. Est-ce qu'on s'en rendrait compte? Non. Autrement dit, le signe des charges, des particules chargées, est une convention. Ça résulte d'une décision parfaitement arbitraire. Maintenant, est-ce que les lois physiques qu'on tire du choix particulier d'une convention sont-elles aussi arbitraires? La loi de Coulomb qui vous dit que deux particules de charge opposée s'attirent et deux charges identiques se repoussent, est-ce que cette loi dépend de la convention? Réponse, non. Donc même si vous avez donné un signe arbitraire aux particules, ça ne change pas le fait qu'elles ont une charge électrique. Et qu'ayant une charge électrique, elles vont subir une force de répulsion ou d'attraction selon le fait que leur signe est du même signe, que leur charge est du même signe que l'autre particule avec laquelle elles se trouvent. Autrement dit, ce n'est pas parce que le cours du temps est choisi de façon arbitraire que les lois physiques qu'on extrait du choix particulier d'une convention sont arbitraires. C'est la grande erreur de Prigogine d'avoir dit ah ben, puisque les physiciens sont capables de changer temps augmenté dans leurs équations, ça veut dire que pour le temps n'existe pas. Mais non, il existe parfaitement. Simplement, son sens d'écoulement est arbitraire. Donc, 3 minutes. Bon, ok. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, quand je parle comme ça, je dis le temps, etc., je lui accorde une promotion ontologique. C'est-à-dire, je parle du temps comme s'il était une réalité autonome par rapport au phénomène. Et c'est effectivement le statut qu'il a chez Newton. Mais après, comme vous savez, il y a eu Einstein qui a réassocié le temps à l'espace et à l'énergie, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est après avoir séparé le temps des phénomènes temporels, à l'avoir en quelque sorte dénudé le temps en lui retirant les oripeaux qui lui viennent des phénomènes, d'avoir séparé l'espace, qu'une fois l'espace et le temps mis à nu, Einstein a pu les réassocier. Mais même chez Einstein, le temps est complètement, l'espace-temps, comme on dit, est complètement débarrassé des phénomènes temporels. Il n'a rien à voir avec eux. Rien ne peut affecter le temps. Aucun phénomène ne peut affecter le temps. Or, nous parlons des événements comme s'ils étaient capables de modifier le temps même, y compris des événements sociaux. Le temps s'est arrêté, etc. Ça veut dire quoi, le temps s'est arrêté? Comment se fait-il qu'on soit toujours là si le temps peut s'arrêter? Il y a toujours du présent qui est là, même si sa nature change, il est toujours là. Et la présence du présent est constamment garantie par le fait que le temps ne s'arrête pas. Donc vous voyez comment notre langage s'est complètement fixé, et je pense que dans un premier temps, pour pouvoir engager un dialogue disciplinaire, il faut que ceux qui n'ont pas accès directement au temps parlent de temporalité, ce qui n'est pas du tout déchoir dans la hiérarchie des disciplines. On parle souvent de l'arrogance des physiciens, mais les physiciens, ils ont fait des trucs avec le fait qu'ils ont pu mathématiser le temps, le coupler à l'espace, et prédire des choses comme antimatière. Regardez comment on a prédit l'antimatière en 1928, à partir d'un examen très précis du lien entre temps et causalité, en imposant simplement que les particules doivent obéir à des équations qui empêchent les voyages dans le temps, c'est-à-dire qui empêchent que l'effet d'une cause puisse rétroagir sur une cause. On ne peut pas rétroagir sur un événement qui a eu lieu. On peut modifier les effets qu'il a. Par exemple, si vous renversez votre tasse de café, demain, vous nettoyez, etc., et il n'en paraîtra plus rien. Donc, vous pouvez éliminer les effets d'une cause. Mais il restera éternellement vrai qu'hier, vous avez renversé votre tasse de café. C'est ça que garantit la causalité. Et le fait qu'on ait pu prédire l'existence de l'antimatière à partir de cette réflexion sur la causalité signifie que, non pas qu'on a saisi le temps, mais qu'on a touché le temps. On a touché quelque chose du temps, sans quoi il faudrait invoquer le miracle pour expliquer que les prédictions de la relativité restreinte n'ont jamais été démenties, pour expliquer que les prédictions de la physique quantique n'ont jamais été démenties, etc. Cette coïncidence qui fait qu'à chaque fois qu'on teste la prédiction de ces formalismes, on trouve un résultat qui est conforme à la prédiction, soit vous croyez au miracle permanent, soit vous dites, nous avons non pas épousé la réalité, mais on l'a touché quelque part. C'est-à-dire, je suis le premier à dire qu'on n'a pas le droit de dire que la réalité est quantique, mais je suis le premier à défendre l'idée que si on veut échapper à l'argument du miracle, on est obligé de dire qu'il y a quelque chose de quantique dans la réalité. Sinon, la physique quantique ne marcherait pas du tout. Et donc, il faut prendre acte de cette efficacité, et voir ce qu'elle implique comme connaissances nouvelles sur le temps, qui sont toutes à rebours de ce que nous disons du temps. Et donc, je pense que si on veut entamer un dialogue interdisciplinaire, il faut suivre le précepte de Wittgenstein, qu'on aura donc beaucoup cité, qui est « penser, c'est être en lutte avec la langue ». Et non pas se laisser glisser dans la langue, pour répéter éternellement les mêmes préjugés.